Ok, donc nous sommes donc en direct, donc dans un format qu'on n'a jamais utilisé pour l'instant, l'association Table Rase, puisque bon, en raison de la crise sanitaire, on a été obligé de faire cette petite conférence qui va prendre la forme d'un interview donc en ligne. Donc bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Donc on avait décidé donc au début de l'année d'inviter Daniel Tanoureau pour nous présenter ses travaux, et ça tombait plutôt bien parce qu'il sort bientôt un livre, donc Trop tard pour être pessimiste, Écosocialisme ou effondrement, et donc qui actualise donc la problématique de la crise écologique depuis son livre L'impossible capitalisme vert, qu'il avait publié il y a 10 ans, et à l'occasion duquel on l'avait invité il y a 7 ans avec Table Rase. Bonjour Daniel Tanoureau. Bonsoir. Bonsoir. On peut commencer aussi par une question qui n'est pas forcément prévue, qui n'est pas forcément dans notre questionnement central de ce soir, une question d'actualité. En 2018, vous avez publié un livre sur le cas Trump, donc un livre qui s'appelle Le moment Trump. Une nouvelle phase du capitalisme mondial. Donc là, actuellement, nous voyons que les événements aux États-Unis sont assez graves, que ce soit à cause de la problématique du racisme qui a déclenché un soulèvement dans de nombreuses villes des États-Unis, la crise du coronavirus qui a été aussi très importante et qui a touché essentiellement les populations les plus précaires, dont beaucoup les Afro-Américains, les Hispaniques ou les Amérindiens. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette présidence Trump, sur son actualité, sur son autoritarisme, et aussi sur la crise avec la Chine qui a lieu à l'occasion aussi de cette crise du coronavirus, où il semble qu'il y a une fuite en avant des États-Unis pour résoudre leurs contradictions internes dans un affrontement interimpérialiste avec l'État chinois? Oui, ça fait beaucoup de sujets, ça. On va passer le réveillon là-dessus. Fait beaucoup, mais. Je crois qu'il faut commencer par marquer une solidarité inconditionnelle avec l'extraordinaire mobilisation populaire des communautés afro-américaines, latino, autres racisées et de leurs alliés aux États-Unis. Je dis inconditionnel parce que c'est un peu trop facile de prendre des pincettes ou de faire la fine bouche et de soutenir les mobilisations pacifiques et de se distancier par contre des mobilisations plus violentes. La violence, elle vient des exploiteurs et des oppresseurs. Et j'étais fort frappé par une interview d'une spécialiste black d'ailleurs des questions de lutte antiraciste pardon aux États-Unis et qui expliquait à mon avis à très juste titre que la violence de la réaction et la radicalité de la réaction ne s'explique pas uniquement par l'horreur de ces 8 minutes et 40 secondes d'assassinat auxquels on a pu assister sur les réseaux sociaux, mais qu'elle s'explique aussi par tout le contexte de violence structurelle, institutionnelle, de racisme institutionnel aux États-Unis. Cette personne expliquait que tous les budgets sociaux sont systématiquement détruits par les pouvoirs publics au niveau des communautés, les budgets pour l'enseignement, les budgets pour la santé, les budgets pour le transport. Donc tout ça dans le cadre d'une politique ultra-néolibérale qui n'est pas l'apanage des républicains, qui est aussi bien menée par les démocrates auparavant. Tout ça est systématiquement détruit. Les seuls budgets qui augmentent, c'est ceux des forces de police. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a vraiment une compréhension stratégique de la part de la classe dominante que la politique néolibérale va produire des explosions et que les explosions, il faudra les mater. Et c'est ça le contexte des événements aujourd'hui. Alors, ce qui me semble très intéressant, c'est la manière dont, dont les événements, à mon avis, confirment la comparaison que j'avais faite dans ce bouquin, ce petit essai « Le moment Trump », la comparaison entre Donald Trump et Louis-Napoléon Bonaparte, quoi. Donc, la manière dont ils tentent de se hisser au-dessus des contradictions sociales et de... C'est un manipulateur de génie. Les gens qui disent que Trump est un imbécile se trompent. C'est un type inculte, c'est un type méprisable au plan psychologique, au plan culturel, tout ce qu'on veut, mais c'est loin d'être un crétin. Et donc, il est confronté à... Il espérait gagner les élections avec son bilan économique... la faiblesse des chiffres du chômage, puis l'épidémie du Covid est arrivée. Il a commencé par une politique de négation de la gravité de la pandémie, hein, ce n'est qu'une simple grippe. Puis il a été obligé de battre en retraite parce qu'il s'est rendu compte que ne rien faire coûterait plus cher à l'économie capitaliste que de faire quelque chose. Puis le chômage a explosé, puis l'assassinat de George Floyd est intervenu et il a sauté là-dessus comme je ne vais pas faire de comparaison, ce serait trop désobligeant. Il a sauté là-dessus pour essayer de déplacer le centre de gravité de la campagne électorale vers le thème de prédilection de l'ultra-droite américaine depuis Nixon et d'autres, Law and Order. Mais ce faisant, je ne suis pas sûr qu'il fasse tout à fait un bon calcul parce que sa volonté de mettre l'armée dans les rues, c'est un pari extrêmement dangereux et surtout de sa part, je crois que ça revient de façon trop visible à utiliser le cœur de l'appareil d'État bourgeois, les forces armées, pour un objectif politicien qui ne le justifie objectivement pas. Hein. Je veux dire, les forces armées, l'armée, c'est le rempart en dernière instance du pouvoir de domination des exploiteurs et des oppresseurs dans notre société. Mais investir l'armée contre les classes populaires, quand elles sont en révolte, c'est toujours relativement dangereux, parce que même quand il y a une armée de métier, la majorité des soldats viennent des classes populaires. Et donc... investir l'armée pour écraser une mobilisation sociale, c'est quelque chose qui est risqué, c'est un pari qui est risqué. On le fait, comme disait la formule du vieux Friedrich Engels, la classe dominante le fait en dernière instance, et elle le fait avec des troupes sûres. Et ici, Trump n'est pas dans une situation où le pouvoir de la bourgeoisie est menacé et où il n'aurait plus d'autre solution pour sauver le capitalisme que d'investir, d'investir les forces armées pour mater les mobilisations. Non, ce qu'il veut, c'est utiliser les forces armées dans une dramatisation de la situation pour essayer de forcer sa réélection en novembre. Et ça, je crois que c'est pas par hasard que son propre secrétaire à la Défense c'est inscrit en faux contre cette idée de faire appel à la troupe, et que ce n'est pas par hasard non plus que son précédent secrétaire à la Défense, le général Mattis, l'a descendu en flammes dans des déclarations. Donc voilà, je crois qu'il fait un coup de poker politicien qui, à mon avis, je ne vais pas faire de pronostic, mais disons, je crois que ça ne va pas favoriser sa réélection. Je ne crois pas. Je crois que c'est trop gros, y compris pour des secteurs de la classe dominante qui l'ont soutenu lors de son élection à la présidence. Maintenant, pour ce qui concerne la question de la Chine, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai essayé d'analyser ça dans ce bouquin. Je crois que le fond de la question, c'est le déclin de l'hégémonie de l'impérialisme états-unien qui s'est constitué après la défaite du nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ce déclin, c'est notamment un déclin face à la puissance montante chinoise, qui est aujourd'hui la Chine est aujourd'hui une puissance impérialiste, même si une puissance qui est soi-disant dirigée par un parti communiste. Enfin, il y a là une hypocrisie monstrueuse. Mais donc, c'est une puissance impérialiste. Elle est de plus en plus performante. Elle exporte ses capitaux, elle exporte ses investissements, elle étend ses zones d'influence dans le monde. Elle bénéficie d'un régime despotique, dictatorial, qui offre de multiples avantages. Hein. Pas question de faire du syndicalisme de combat en Chine ou de fonder des associations de défense de l'environnement trop remuantes en Chine. Donc voilà, et face à ça, Trump incarne une tendance de l'impérialisme américain qui fait le calcul, je pense, que pour le moment, l'impérialisme américain garde une suprématie, et en tout cas certainement une suprématie militaire, et que donc il s'agit d'utiliser cette suprématie, y compris dans sa dimension militaire, pour essayer d'empêcher, de contrer la montée de la Chine. Je crois que c'est ça le jeu qui est la partie qui est en cours. Du coup, c'est bien parce que ça nous amène aussi à la question du coronavirus. Qui a été un révélateur aussi des contradictions internes, que ce soit à la société capitaliste en Chine ou à la société capitaliste aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le coronavirus, c'est la contradiction aussi entre l'humain et la nature liée au mode de production capitaliste qui apparaît, puisque le coronavirus est aussi une crise écologique. Et donc ça, c'est pas forcément évident de le voir. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler du rapport qu'il y a entre la hausse des épidémies au niveau global, il y a aussi eu le virus Ebola, il y a eu les autres épidémies de SRAS, etc., et donc la destruction de l'environnement. Oui, je crois que c'est une question sur laquelle, effectivement, il vaut la peine d'insister. On a, depuis quelques décennies, une multiplication de nouvelles épidémies qui prennent parfois des formes pandémiques. Ça a commencé avec le HIV, hein, le virus du sida, puis on a eu Ebola, le chikungunya, le Zika, le H5N1, puis le SARS-1 en 2002-2003, puis le MERS dans le Moyen-Orient quelques années plus tard, puis maintenant aujourd'hui le SARS-CoV-2 et la maladie COVID-19. Et donc, ce que tous ces épisodes ont en commun, effectivement, c'est leur caractère de modernité. Pour parler un peu comme Bruno Latour, on n'est pas dans des épidémies archaïques, on n'est pas dans un retour à la peste noire du Moyen-Âge. On est dans des phénomènes éminemment modernes, dans l'apparition de ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des viroses provoquées par des virus d'origine qui ont leur origine chez des espèces sauvages et qui sautent la barrière des espèces et qui s'adaptent à Homo sapiens et qui peuvent le contaminer. Et effectivement, les mécanismes qui favorisent ce saut d'espèces, ils ne tombent pas du ciel. C'est la déforestation, c'est l'orpaillage, c'est le commerce des espèces sauvages, et notamment le commerce des espèces sauvages pour la viande, hein, ce qu'on appelle le bushmeat ou la viande de brousse qui est exportée par exemple d'Afrique centrale vers mon pays, la Belgique. Hein. Il y a des avions qui amènent de la viande de brousse ici, qui est diffusée, vendue sur le marché noir. Et aussi les phénomènes d'élevage industriel avec des dizaines de milliers de volailles ou d'autres animaux qui sont en fait tout à fait identiques, quasiment des clones, et qui favorisent très fort la propagation notamment de nouvelles variétés de grippe. Hein, c'est ce qu'a montré Rob Wallace dans son bouquin « Big Farms, Big Flu », qui malheureusement n'est pas traduit en français, mais qu'il faut absolument lire. Donc élevage industriel, puis aussi les monocultures de l'agrobusiness. Donc effectivement, cette crise sanitaire n'est pas une crise strictement sanitaire, c'est une facette de la crise socio-écologique globale, au même titre que le changement climatique ou que l'explosion des inégalités sociales. Si on prend le rapport de l'IGBP, donc l'International Geosphere and Biosphere Programme, hein, le Programme international géosphère-biosphère des Nations Unies, programme qui s'est terminé, si je me souviens bien, en 2015, enfin, je peux me tromper sur la date. Donc, c'était un programme de recherche qui visait à faire un diagnostic sur la soutenabilité de l'existence humaine sur cette planète. Et les chercheurs de l'IGBP avaient identifié 9 paramètres de cette soutenabilité. De mémoire, il y a évidemment là-dedans le changement climatique, il y avait la couche d'ozone, l'acidification des océans, le déclin de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'eau, la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, la pollution atmosphérique aux aérosols et la pollution chimique. Je crois que je n'en ai pas oublié. Mais donc, les nouvelles zoonoses ne faisaient pas partie du paquet de l'estimation, du diagnostic. Et en même temps, dans le diagnostic, il y avait l'opinion forte dans le rapport final que les seuils de soutenabilité relatifs du développement humain sur la planète étaient dépassés dans 4 domaines qui sont le changement climatique, le déclin de biodiversité, le cycle de l'azote et la protection des sols. Ça, c'était bon. Alors, en termes bibliques, on pourrait dire que ce sont les 4 cavaliers de l'apocalypse écologique ou écosocial moderne. La pandémie nous révèle qu'il y a en fait un 5e larron dans la bande. Il y a la pandémie ou le risque pandémique. Parce que tant que les conditions qui ont favorisé l'apparition du HIV, du chikungunya, du Zika et de toute la bande jusqu'au SARS-CoV-2 ne seront pas supprimées, ben nous serons exposés au risque de voir apparaître de nouvelles zoonoses qui pourraient même être plus meurtrières que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc je crois effectivement c'est très très important d'insister là-dessus. Et c'est important aussi en termes de stratégie politique pour nous, pour les gens qui se réclament de l'écosocialisme, parce que le choc idéologique provoqué par la pandémie, il y a un choc terrible qui est porté à la crédibilité du néolibéralisme, parce que la grande question de la santé humaine occupe l'avant-plan de la scène, et donc je crois qu'on peut construire un discours très homogène, beaucoup plus homogène qu'avant la pandémie, un discours politique qui globalise la question de la santé. Il faut protéger la santé des humains et des non-humains. Et pour ça, il faut protéger la santé des écosystèmes. Et pour ça, il faut, par exemple, aussi reconnaître la liberté de circulation et d'installation pour les migrants. Et il faut en finir avec les camps d'internement des migrants, comme dans les îles grecques ou ailleurs, qui sont des foyers de propagation. Donc, toute poche de pauvreté devient un facteur de propagation des épidémies futures. Donc voilà, je crois qu'il y a moyen de construire c'est un des enjeux, je crois, de la période qui vient, c'est de construire ce discours anticapitaliste très fort, très radical, mais qui s'appuie directement sur quelque chose qui tient à cœur de tous et toutes, qui est la santé, la nôtre, celle de nos proches, de nos enfants, et par extension, la santé de l'environnement. Oui, tout à fait. Donc, ouais, c'est vraiment très intéressant de voir qu'on peut articuler tout à fait crise sanitaire, crise écologique, etc. Et inégalité sociale aussi, que tout ça, ça fait partie de la même totalité qui est la vie dans le mode de production capitaliste. Oui, peut-être, si tu me permets, ajouter que non seulement l'origine de ces zoonoses est significative et marquée historiquement, déterminée historiquement par l'étape actuelle du développement capitaliste, mais aussi le mode de propagation, évidemment, hein, puisqu'on a vu une propagation très rapide qui correspond, en gros, quand on voit le planisphère mondial, ça coïncide très étroitement avec les grands flux du transport aérien entre les grandes mégapoles capitalistes, et au centre de ces mégapoles capitaliste, c'est très important, très intéressant de voir que la propagation du virus est plus rapide dans les zones pauvres. Donc, c'est pas la densité de population en tant que telle, ou pas uniquement la densité de population qui est en cause, hein. Il y a eu des chiffres très intéressants sur New York, par exemple, comparant la propagation de la pandémie à Manhattan et dans le Bronx. Donc, le Bronx est moins densément peuplé, mais plus pauvre que Manhattan. Mais ce n'est pas à Manhattan qui a eu le plus de victimes proportionnellement, c'est dans le Bronx, parce que la propagation est liée aux inégalités sociales. Donc, c'est vraiment effectivement, encore une fois, ce n'est pas le retour à la grande peste. Hein. C'est vraiment une pandémie de l'Anthropocène. C'est la première crise globale de l'Anthropocène, à mon avis. C'est ce que j'ai écrit dans l'avant-propos sur le Covid, dans mon petit bouquin, là. Trop tard pour être pessimiste, ceci est une séquence publicitaire, édition textuelle. Donc voilà, pour moi, c'est la première crise globale de l'Anthropocène qui articule le sanitaire, le climatique, l'écologique en général et le social. Et d'ailleurs, ça fait penser que les quartiers du Bronx dont tu parlais, qui ont été particulièrement touchés par l'épidémie de coronavirus, sont aussi des quartiers qui ont été à l'avant-garde du soulèvement des quartiers populaires, notamment afro-américains, aux États-Unis. Ben oui, qui va s'en étonner? Enfin, je veux dire, tout est dans tout et inversement. Ici, c'est le cas de le dire. Alors, aussi, on voulait parler de ce qui a changé depuis la publication de ton livre « L'impossible capitalisme vert », donc qui a été publié il y a 10 ans, si je ne me trompe pas. Donc, depuis, il y a eu tout un tas de conférences des États, comme la COP21, etc., la conférence de Paris, si je ne me trompe pas, dans lequel les États, et surtout les États européens, se présentent comme étant à l'avant-garde d'une prise de conscience écologique. Il y a Macron qui joue beaucoup sur ça en France, qui fait que nous rabâcher que après le coronavirus, ça sera le monde d'après, ça n'aura plus aucun rapport, on va faire une transition écologique radicale et réduire nos émissions de CO2. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Où on en est en termes de hausse des températures et des émissions de CO2 depuis ce livre? Et est-ce qu'il y a une réelle volonté politique européenne, mondiale, d'en finir avec les énergies fossiles? Oui, bah, ce qui a changé, je dirais pas grand-chose. Et en tout cas, quand on discute des émissions et du changement climatique, enfin, je dis, il faut avant tout se baser sur les données globales. Hein. Les données par pays, ça a relativement peu d'importance. Enfin, je ne vais pas dire que c'est sans intérêt, mais il faut regarder les données mondiales. Et les données mondiales, c'est que les émissions de CO2, je ne parle que du CO2 aujourd'hui, elles sont 60% plus élevées qu'en 1992, c'est-à-dire lors de la signature de la Convention des Nations Unies, la Convention 4 des Nations Unies sur le climat à Rio, 60% plus élevé. Et le résultat, c'est que la concentration atmosphérique en CO2 qui ne fait qu'augmenter, il n'y a aucune inflexion. Il y a eu une inflexion en 2007-2008 avec la dite crise financière. Il y aura peut-être une inflexion aujourd'hui avec la crise du coronavirus parce que l'économie mondiale est mise à l'arrêt par la pandémie ou quasiment à l'arrêt. Mais sinon, l'augmentation, elle est ininterrompue. Il n'y a pas d'inflexion, aucune inflexion. Donc, on est aujourd'hui à passer 415 par million volume de CO2 dans l'atmosphère. C'est une concentration qu'on n'a pas connue depuis plus d'un million d'années. L'espèce humaine n'a jamais connu ça. Donc, la situation est véritablement catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai intitulé ce bouquin « Il est trop tard pour être pessimiste », parce qu'il n'est plus question d'être pessimiste ou optimiste par rapport au risque de la catastrophe. La catastrophe, elle est là, elle est autour de nous, elle grandit autour de nous, et l'enjeu, c'est d'empêcher qu'elle se transforme en cataclysme, c'est ça l'enjeu. Bon, alors par rapport à ça, les décisions de la COP21 à Paris, les dés sont pipés. Hein. Évidemment, on peut dire que c'est positif que pour la première fois, le flou ait été levé en ce qui concerne l'objectif des politiques climatiques, hein, puisque dans la Convention cadre de 92, l'objectif était décrit comme éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique, mais le niveau de la dangerosité n'était pas précisé. Bon, à Paris, à la COP21, le niveau de dangerosité a été précisé, on a dit, mais la formule est ambiguë, on a dit, il faut maintenir les efforts pour rester bien au-dessous de 2 degrés, tout en continuant les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré. Donc, une formule un peu bicéphale, un peu bizarre. Derrière cette bizarrerie, il y a le fait que les décideurs savent pertinemment bien que sans des mesures anticapitalistes radicales, il est totalement impossible de ne pas dépasser 1,5 degré, que même ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle serait extrêmement difficile si on ne prend pas de telles mesures. Et donc, il mise sur... on a deux courants, si vous voulez. Il y a d'une part ceux qui résolvent le problème en disant qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est Trump et Bolsonaro, et c'est tout de même pas par hasard qu'on voit une montée du climato-négationnisme sur le plan politique, sur le plan des gouvernements, alors que le climato-négationnisme est complètement battu sur le plan de la science. Enfin, il n'y a plus aucun débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de doute sur la réalité du phénomène. Donc on a cette orientation-là. Plutôt que de reconnaître le problème, on le balaye sous le tapis, on en nie l'existence. Et puis il y a l'autre orientation, qui est celle de Macron, de Merkel, de l'Union européenne, de la majorité des gouvernements, qui est de faire des promesses sur la neutralité carbone. Mais les dés sont pipés, comme je le disais. Pourquoi ? Ben parce qu'ils imaginent une neutralité carbone dans laquelle un dépassement temporaire, disent-ils, du seuil de dangerosité de 1,5 degré serait compensé par le déploiement massif de technologies censées retirer du carbone de l'atmosphère pour diminuer la température dans la deuxième partie de ce siècle. Bon, alors c'est une folie sans nom, c'est un pari complètement insensé. Hein. Je ne comprends pas comment... Il n'y a pas davantage de protestations, de hurlements, de dénonciation de cette duperie. Pourquoi est-ce une duperie ? Mais parce que on est déjà aujourd'hui dans une situation dont la catastrophe a déjà atteint un tel degré qu'on est véritablement plus que jamais sur le fil du rasoir de la transformation de la catastrophe en cataclysme. Alors, cette transformation de la catastrophe en cataclysme, c'est quelque chose, c'est une perspective extrêmement concrète, hein, ce n'est pas une formule de style. Le cataclysme, ce serait quoi ? Ben, par exemple, le cataclysme pourrait être qu'on atteigne le point de dislocation de la calotte glaciaire du Groenland. Selon le GIEC, ce point de dislocation se trouve entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire qu'on y arrive tout droit, hein, au rythme actuel des émissions, on franchit le 1,5 degré de réchauffement entre 2035 et 2045, donc c'est demain. Donc, dislocation, on franchit le point de non-retour de la dislocation de la calotte glaciaire du Groenland. Non-retour, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen... Comme il n'y a pas de réfrigérateur où mettre la terre, une fois que le processus de dislocation de la calotte a commencé, on ne sait pas l'arrêter. Il y a là de quoi faire monter à peu près le niveau des océans de 6 à 7 mètres, hein, donc c'est pas un détail. Et cette dislocation pourrait entraîner, même avant que cette catastrophe de 6 ou 7 mètres de hausse du niveau des océans se concrétise, même avant ça, l'afflux d'eau douce dans l'océan Atlantique provenant de la dislocation de la calotte pourrait perturber des courants océaniques thermohalins, pas tellement le Gulf Stream, mais plutôt un autre courant qu'on appelle le AMOC en termes scientifiques, qui, semble-t-il, joue un rôle déterminant dans le climat du bassin amazonien. Et la perturbation de ce climat accélérerait la transformation de la forêt amazonienne en savane, et cette transformation de la forêt amazonienne en savane pourrait provoquer une nouvelle hausse de température, parce qu'il y aurait moins de CO2 absorbé par les écosystèmes, une augmentation de la température supplémentaire qui pourrait provoquer la dislocation de parties particulièrement fragiles de la calotte glaciaire de l'Antarctique, ou bien on franchit un seuil de dégel du pergélisol avec une libération de quantité de méthane importante. Bref, donc il y a vraiment la menace d'une série d'effets dominos du changement climatique. Cette perspective, cette menace a été décrite dans une publication qui a fait beaucoup de bruit en août 2018 dans les Proceedings of the National Academy of Science des États-Unis, où les scientifiques décrivaient ce scénario comme un scénario de basculement dans lequel la planète Terre change de régime énergétique et bascule dans un régime différent de celui qu'on connaît depuis au moins le début de l'Holocène, si pas plus loin, avec des alternances, depuis bien plus loin que ça, avec des alternances de glaciation et d'interglaciation. Et on basculerait hors de ce régime-là et la planète s'installerait dans un nouveau régime stable avec qu'ils appellent la planète étuve, avec une température moyenne supérieure à 4 à 5 degrés à la température actuelle, et donc à terme une montée du niveau des océans qui pourrait aller jusqu'à 50 ou 60 mètres. Enfin bon, donc, alors ok, tout ça c'est à l'échelle géologique des temps, hein, le niveau des mers ne va pas monter de 5 mètres d'ici 2100, mais il pourrait monter d'un mètre et demi ou même de 2 mètres d'ici 2100, ça c'est pas exclu du tout, et il monte déjà très vite et beaucoup plus vite que les prévisions. Donc voilà, ça c'est la réalité, et alors sur cette réalité, ben, on a des effets d'annonce comme ceux de la COP21 ou comme ceux du gouvernement français sous Macron, qui promet que pour la pré-Covid, ok, on va changer tout ça, mais il ne faut pas en croire un traître mot. C'est vraiment des effets de manche, des effets d'annonce pour essayer de rassurer l'opinion publique sur le fait que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, la situation est sous contrôle, c'est ça le message. Et en réalité, la situation n'est absolument pas sous contrôle. Alors le cas français, enfin, j'ai détaillé ça un peu dans mon bouquin, le cas français est particulièrement révélateur du double discours, parce que d'une part, l'Assemblée nationale adopte l'objectif de neutralité carbone en 2050, et d'autre part, les quotas d'émissions qui avait été adopté précédemment dans le cadre de l'objectif facteur 4, là, qui sont des objectifs annuels de réduction inférieurs à ce qu'il faudrait faire pour arriver à la neutralité carbone. Ces objectifs-là ne sont pas respectés et le propre ministre de l'Environnement dit qu'ils ne le seront pas avant 2023. Bon, ben donc voilà, on triche, on ment carrément à l'opinion publique et on rend délibérément compliquer une question qui finalement n'est pas si compliquée que ça, hein. C'était parce que le changement climatique, en gros, c'est un peu comme une histoire de baignoire et de robinet, quoi. C'est un problème mathématique, on injecte tant de CO2 dans l'atmosphère, puis il y a des puits qui retirent ce CO2, et puis on peut faire des prévisions relativement solides, relativement robustes sur les impacts en termes de hausse de la température. Alors, il y avait aussi cette histoire qu'on nous vante des technologies qui permettraient de réduire la pollution au carbone dans l'atmosphère en les injectant sous terre, etc. Oui. Je m'en souviens que tu avais parlé un peu de ça dans ton livre « L'impossible capitalisme vert ». Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? Est-ce qu'ils sont encore un peu dans ce projet un peu délirant ? Mais plus que jamais. Plus que jamais. Parce que tant qu'on ne met pas en cause la logique capitaliste de l'accumulation et donc la croissance constante du PIB qui en découle, il n'y a tout simplement pas moyen de réduire radicalement les émissions comme il faudrait le faire. Je veux dire, la crise de 2008 et la crise actuelle le prouvent à contrario. Le seul moyen d'atteindre des taux de réduction des émissions qui soient un peu en ligne avec ce qu'il faudrait pour respecter les objectifs de stabilisation en dessous d'un degré et demi, ce sont des réductions qui ne peuvent pas être réalisées si on ne produit pas moins et si on ne transporte pas moins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire un inventaire des productions essentielles, de celles qui sont superflues, de celles qui sont inutiles et de celles qui sont nuisibles, et calculer pour chacun de ces postes les volumes d'émissions de CO2 correspondants et décider de supprimer des productions jusqu'au moment où on arrive à la satisfaction au respect des objectifs de stabilisation du climat. Alors évidemment, ça c'est complètement incompatible avec la logique capitaliste du toujours plus, complètement incompatible. Il n'y a pas de capitalisme sans croissance. Disait Schumpeter, hein, qui n'est pas un économiste marxiste, j'avais déjà cité cette citation de lui dans l'impossible capitalisme vert, et donc dans un cadre capitaliste basé sur l'accumulation du capital, la concurrence pour l'accumulation du capital, donc la croissance constante du PIB, dans un tel cadre, le seul moyen d'espérer, de pouvoir rêver de contrer les effets réchauffant de ces émissions croissantes, c'est de retirer du carbone de l'atmosphère par des technologies. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf, je le répète, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, hein, pour Trump, Bolsonaro et d'autres maintenant, parce que c'est une maladie qui se répand dans les gouvernements. C'est plus facile de nier le problème que d'admettre qu'il y a un problème, mais que les solutions qu'on avance ne permettent pas d'y répondre. Et donc, ça aboutit sur des projets, mais qui sont des projets absolument délirants. C'est vraiment des technologies d'apprentis sorciers. Enfin, j'ai écrit quasi un chapitre du nouveau bouquin qui est consacré à ça, qui donne des exemples. Il y a des trucs absolument hallucinants. Donc, par exemple, toutes ces technologies sont basées sur l'idée on va retirer du CO2 de l'atmosphère et on va le stocker sous terre, hein, toutes, en gros. Je parle uniquement des technologies, je ne parle pas de la stimulation, de la capacité d'absorption du CO2 par les écosystèmes, qui est une question un peu différente. Donc, toutes sont basées là-dessus. Alors, il y en a, mais qui sont... une des technologies, c'est de dire... on va remplacer la combustion de combustibles fossiles pour produire de l'électricité, par exemple, on va la remplacer par de la combustion de biomasse. Hein? Et comme la biomasse, en poussant, absorbe du CO2, si le CO2 produit à la combustion est capté à la sortie des cheminées, si vous voulez, des usines, et qu'il est envoyé sous terre, à la longue, en répétant le cycle plantation, récolte, combustion, stockage, à la longue, on devrait retirer du CO2 de l'atmosphère. C'est logique. Hein. Le problème, enfin, un des problèmes, c'est les surfaces nécessaires pour avoir, par cette technologie-là, un impact significatif. À supposer que le CO2 stocké sous terre y reste gentiment, ce que personne ne peut garantir en cas de tremblement de terre ou que sais-je, mais à supposer qu'il reste gentiment sous terre pour les siècles des siècles, quelle superficie faudrait-il consacrer à la culture de biomasse énergétique pour remplacer ainsi les combustibles fossiles ? Les superficies, il y a des études là-dessus, j'en cite dans le bouquin, il y a des superficies hallucinantes. Il faudrait aller jusqu'à plus de 20% de la surface agricole cultivée en permanence qui serait consacrée à la production de combustibles de cultures énergétiques. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien ces 20% de superficie, on les prend sur des terres qui ne sont pas agricoles aujourd'hui. Et alors, on a une catastrophe pour la biodiversité, parce que planter des cultures énergétiques, c'est planter des monocultures de saule ou de miscanthus ou d'eucalyptus, et c'est des trucs qui consomment beaucoup d'eau, pour lesquels il faut beaucoup de pesticides, et c'est des déserts verts, il n'y a rien qui vit là-dedans. Hein. Donc ça, c'est la première possibilité. Ou bien, deuxième possibilité, on prend ces superficies sur les superficies agricoles, et alors comment est-ce qu'on nourrit la population mondiale ? Donc, c'est vraiment une impasse sur toute la ligne. Et ce n'est qu'un exemple des technologies. Enfin, il y a des trucs encore plus farfelus. Hein. Récemment, je ne sais pas combien de temps je peux consacrer à ça, mais je donne encore cet exemple parce que je le trouve extraordinaire. Il y a des chercheurs qui ont découvert l'existence en Islande, de gisements de basalte qui sont géologiquement relativement récents et qui ont la propriété de pouvoir facilement minéraliser le CO2. Alors là, évidemment, on a une certitude qu'il ne va pas ressortir des gisements géologiques où on le stocke, n'est-ce pas ? Et des études ont été faites, des tests ont été faits, il y a des prototypes, et on a pu stocker, minéraliser dans ces gisements de basalte des quantités de, je ne sais plus combien, de centaines de tonnes de CO2. Alors, il y a des chercheurs qui disent, mais voilà la solution. Le problème est que ces gisements, pour le moment, on n'en connaît pas d'autres qu'en Islande. Alors, vous voyez, les chercheurs disent, bon, ben, à supposer qu'on ait les autorisations, il y aurait le problème de transporter le CO2 mondial en Islande. Non mais vous voyez l'absurdité. On nous dit, à nous, éco-socialistes, quand nous disons, il faut réduire radicalement la production et les transports pour sauver le climat, on nous dit vous êtes des utopistes. Et puis ces gens-là inventent une soi-disant solution où il faudrait transporter, acheminer le CO2 du monde entier en Islande pour le stocker dans un gisement de basalte qui apparemment n'existe pas ailleurs. Qui est utopique ? Oui. Qui est réaliste ? C'est vrai qu'on peut se demander, on peut se poser la question. Alors, on peut en arriver maintenant aux questions sur le mouvement écologique, écologiste, sur sa force, depuis la publication de ton dernier livre, de l'impossible capitalisme vert, il y a eu tout le développement de la dynamique des marches climat, qui ont réuni beaucoup de monde quand même, que ce soit dans les rues en France, en Belgique, en Angleterre, en Australie, et j'en passe. Il y a eu un peu le phénomène de la médiatisation de Greta Thunberg et ses discours à l'ONU, etc. Lié aussi aux grèves scolaires, donc un mouvement de la jeunesse qui prend conscience de la gravité de la situation, un mouvement qui dans sa globalité a des limites et des forces. Nous, ici, par exemple, en France, on pense au fait que il n'y a pas eu une réelle convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, c'est des mouvements qui sont restés assez séparés, où leurs convergences ont été légères, on va dire, en tout cas plus légères que ce qu'on aurait pu espérer dans la gauche radicale. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce mouvement de la jeunesse et de ses perspectives ? Je pense d'abord que le fait de l'existence de ce mouvement, de l'émergence de ce mouvement, est un événement éminemment positif. Donc je m'inscris radicalement en faux contre toutes les personnes qui ont fait la fine bouche face à ce mouvement, disant qu'il n'était pas assez clair, pas assez radical, que Greta Thunberg était manipulée ou récupérée parce qu'elle allait à Davos ou aux Nations Unies. Je trouve tout ça hors de propos. Je trouve que le fait même de l'existence du mouvement, et il est dû pour une large part au rôle qu'a joué Greta Thunberg, le fait même de l'émergence de ce mouvement est éminemment positif. Et le fait que ce mouvement prenne comme forme d'action privilégiée la grève scolaire, est quelque chose qui est formidable. Enfin, je veux dire, ça, c'est un message très fort qui est lancé à l'ensemble de la population mondiale et notamment aux salariés, parce que la grève, l'arrêt de l'activité, l'arrêt du travail, c'est par excellence la forme de lutte des exploités et des opprimés dans le monde du travail. Donc, je crois qu'il faut avant tout souligner le côté extrêmement positif de l'apparition de tout cela. Alors, moi, je ne suis pas en France, je n'ai pas suivi de très près, mais j'avais l'impression tout de même une impression plus positive des rapports entre le mouvement climat et le mouvement des Gilets jaunes. Il me semble qu'il y a eu, ben, si je suis bien informé, il y a eu tout de même plusieurs convergences réelles de manifestations climat, de manifestations Gilets jaunes dans différents points de l'Hexagone. Alors, peut-être ça reste relativement limité, mais quand on pense que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une contestation face à une taxe sur le carburant et a été au début considéré comme un mouvement qui serait par définition anti-écologique, anti-mouvement climat, je trouve que là encore, les Cassandres se sont trompés. Enfin, je veux dire, on a vu là aussi une évolution positive et une prise de conscience positive qui n'est peut-être pas une échelle de masse extrêmement large, mais qui est même à une échelle significative de plusieurs dizaines de milliers de gens de ce mouvement des Gilets jaunes qui ont eu au moins la compréhension du fait que le mouvement climat était pour eux un allié potentiel dans la lutte contre un système basé sur l'exploitation de la force de travail et sur l'exploitation de la nature. Donc je crois qu'il y a des progrès spectaculaires de la conscience. Bon, alors, le mouvement est limité. Oui, il y a des limites, bien sûr qu'il y a des limites. S'il n'y avait pas de limites, tous les problèmes stratégiques seraient résolus et la voie serait dégagée, la voie triomphale serait dégagée pour une alternative éco-socialiste. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Mais donc, je trouve néanmoins que la tonalité générale doit être positive Enfin, pour ma part, j'étais tout à fait enthousiaste face à ce que j'ai vu en Belgique, dans les rues, ces dizaines de milliers de lycéens, de lycéennes manifestant pour l'avenir de la planète et pour leur avenir à partir de ce message très simple. Ben, vous êtes en train de foutre en l'air le monde de demain dans lequel nous allons devoir vivre. Donc voilà, je trouve... J'ai trouvé ça enthousiasmant. Bon, alors maintenant, c'est vrai que il faut essayer de radicaliser ce mouvement du point de vue du contenu du message. Mais là aussi, je défends cette idée-là dans le bouquin. Je crois que le fond de l'affaire, c'est le contenu de la bouteille qui compte et pas l'étiquette, quoi. Donc, il me semble que si ce mouvement peut continuer autour de l'idée « nous voulons absolument qu'on reste en dessous d'un degré et demi, nous ne voulons pas de mesures bidons comme les compensations carbone, nous ne voulons pas de technologies dangereuses comme le nucléaire ou comme la géo-ingénierie, ou comme la capture-séquestration du carbone dont on vient de parler. Et nous voulons que le sauvetage du climat se fasse dans la justice sociale et dans la défense de la biodiversité. » Je pense que si on a un contenu pareil, on a un contenu radical. Et je pense que plutôt que de faire une surenchère verbale en voulant à tout prix que ce mouvement s'approprie des étiquettes telles que l'écosocialisme ou le communalisme libertaire ou que sais-je, c'est plutôt sur le contenu même qu'il faut essayer de construire une radicalité qui soit compatible avec le maintien du caractère de masse du mouvement, parce que c'est ça qui compte, c'est son caractère de masse. Et pourquoi ce caractère de masse est-il si important? Parce que je suis convaincu que le fait que la jeunesse soit dans la rue exerce un pouvoir d'attraction extrêmement fort sur l'ensemble de la société et notamment sur les autres catégories exploitées et notamment sur le monde du travail. Parce que, évidemment, les travailleurs salariés, bon, c'est une banalité de le dire d'une manière générale, le monde du travail est à l'arrière-garde des luttes écologiques. Mais il est à l'arrière-garde pour des raisons compréhensible et évidente, qui est que chaque salarié a besoin de, quelque part, souhaite que son entreprise ne se porte pas trop mal afin qu'il puisse toucher son salaire à la fin du mois, payer son loyer, payer les traites de sa voiture, les études de ses enfants, les médicaments pour la santé de la famille, ce genre de choses. Donc, c'est la situation contradictoire du monde du travail déchiré entre le fait qu'il est salarié, que donc il produit pour le profit capitaliste et le fait que d'autre part, aucun salarié n'a envie de bousiller la planète pour ses enfants. Et le mouvement de la jeunesse, par son caractère massif et par ce message simple, c'est notre planète, c'est notre avenir que vous foutez en l'air, il exerce une pression très forte sur le monde du travail. J'en suis absolument convaincu. Et c'est pour ça que je crois que la stratégie qu'on doit essayer de mettre en place et ça valait avant le Covid, mais ça vaut aussi encore plus après le Covid, c'est une stratégie qui vise à je vais dire entre guillemets, utiliser, je n'ai pas une idée utilitariste, si vous voulez, mais à profiter des pointes avancées des secteurs les plus avancés sur le plan de la lutte écologique, c'est-à-dire la jeunesse, les peuples indigènes, les petits paysans via Campesina et les femmes, parce que dans ces trois secteurs, les femmes sont au premier rang, et c'est lié au mouvement féministe contre les violences, etc. Donc, on a là quatre catégories d'acteurs qui sont à l'avant-plan. Ils ne peuvent pas gagner s'ils n'emportent pas dans la lutte le mouvement ouvrier. Mais le mouvement ouvrier est dans la position schizophrénique que j'ai défendue, que j'ai décrite. Et donc, il faut une convergence des luttes qui tire le mouvement ouvrier et qui oblige les travailleurs, les travailleuses à se positionner en fonction de leurs vrais intérêts de classe et d'être humain face à la destruction de l'environnement naturel. Et ça n'est pas possible entreprise par entreprise ou branche d'industrie par branche d'industrie, ce n'est possible que si on passe par des situations de crise politique dans lesquelles les questions environnementales deviennent des questions de fond face auxquelles tous les acteurs sociaux sont obligés de se positionner. Et à mon sens, on peut dire tout ça, cette stratégie est une construction en chambre, c'est très abstrait, mais à mon sens, ce qui s'est passé avec Notre-Dame-des-Landes, et il y a d'autres exemples, mais je vais commencer par dire un mot de celui-là, prouve que cette stratégie peut marcher. Parce que ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même extraordinaire. On a eu cette alliance improbable des zadistes, des riverains, des paysans locaux, du mouvement environnemental, et cette alliance, cette convergence de forces a été capable de transformer une question locale, territoriale, la construction, oui ou non, à l'aéroport, en enjeu politique national. Et une fois que l'enjeu politique national a été posé, tout le monde a dû se prononcer oui ou non à la construction. Et la CGT de Vinci, c'est ça qui est, à mon avis, extraordinaire. La CGT de Vinci s'est positionnée contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, alors que Vinci était l'entreprise de BTP qui était pressentie pour construire le machin et pour mettre du béton partout. Et cette CGT ne s'est pas positionnée contre l'aéroport par opportunisme ou politique. Enfin, je veux dire, ils ne se sont pas dit « Ok, là, il y a un bon truc pour jouer un sale coup à Macron ». Non, ils ont eu un débat de fond sur la question qui a été très loin en termes de projet de société, est-ce qu'on peut continuer à détruire l'environnement comme ça, et ils se sont positionnés, ils ont participé aux manifestations. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment un laboratoire. Notre-Dame-des-Landes, de ce point de vue-là, est véritablement un laboratoire qui montre qu'une stratégie de convergence des luttes de la jeunesse, des paysans, des femmes, des peuples indigènes au niveau mondial, peut transformer la question écologique en enjeu politique majeur et faire basculer, si pas tout le mouvement ouvrier, des parties du mouvement ouvrier du bon côté de la barrière. Et donc, pour parodier Che Guevara, je dirais créer 2-3 Notre-Dame-des-Landes, telle est la consigne, hein, comme il disait, créer 2-3 Vietnam, telle est la consigne. Créer 2-3 Notre-Dame-des-Landes et beaucoup de Notre-Dame-des-Landes, telle est la consigne pour gagner la bataille. Et encore un mot, pour donner un autre exemple, parce que la France apparaît comme un pays plus politisé, où les luttes sont plus radicales, mais quelque chose du même genre s'est produit dans un endroit totalement improbable, au siège central d'Amazon à Seattle, aux États-Unis. Un siège central dans lequel les employés ne sont pas c'est pas du personnel non qualifié, hein, c'est pas des gens qui portent des caisses, c'est des spécialistes en supply chain management, des informaticiens, des ingénieurs, etc. C'est plus de 10 000 ou de 20 000, je ne sais plus combien ils sont dans ce siège central chez Jeff Bezos, là, mais c'est beaucoup de monde, personnel très qualifié, avec un niveau de conscience de classe proche de zéro, hein, proche du ground zero, mais qui ont été sensibles à l'appel de Greta Thunberg. Quand elle a lancé un appel à une grève mondiale pour le climat c'était en septembre 2019, je ne sais plus la date exacte, une pétition a circulé parmi ces cadres, ces employés cadres de Amazon à Seattle, une pétition pour que l'entreprise Amazon joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Alors cette pétition était pleine d'illusions. Illusion sur l'entreprise, illusion sur Jeff Bezos lui-même, pas du tout de conscience anticapitaliste. Seulement, ils ont tellement emmerdé Bezos, y compris en l'interpellant dans une assemblée des actionnaires, parce que c'est des employés qui ont des actions, donc ils ont fait usage de leur droit d'actionnaire pour déposer une résolution à l'assemblée des actionnaires. Ils ont tellement emmerdé Bezos que ça, la réaction de la direction a provoqué une radicalisation de ces gens. Et ils en sont venus à adopter une plateforme assez intéressante, disant, exigeant qu'Amazon rompe tous les liens avec les climato-négationnistes, exigeant qu'Amazon arrête tous ses investissements dans des secteurs fossiles, et exigeant, je ne sais plus quelle était la troisième revendication, mais c'était assez intéressant. Et puis surtout, ils ont fait grève le jour dit en septembre, et sont allés manifester à plusieurs milliers avec les lycéens et les lycéennes de Seattle. Donc voilà, je crois que c'est ce genre d'arrangement et ce genre d'expérience pilote qu'il nous faut étudier pour penser une sortie, enfin pour penser une victoire possible ou penser une sortie de l'impasse angoissante face à laquelle on est coincé avec le changement climatique. Parce qu'une chose est certaine, pour résoudre le problème, il faut changer de mode de production, mais on ne changera pas le mode de production sans la participation active des producteurs et des productrices, et a fortiori, on ne le changera pas contre eux. Il faut les gagner, et ce n'est que par des expériences de ce genre qu'on peut les gagner. Je m'excuse d'avoir été un peu long sur le... Non, mais c'était intéressant parce que c'est un exemple qu'on ne connaissait pas en tout cas, qui montre bien comment on peut articuler à l'intérieur d'une entreprise et du monde du travail une lutte écologique. Ça m'a fait penser un petit peu au problème aujourd'hui des Renault, l'entreprise Renault, donc frappée par la crise du coronavirus, mais aussi avant par des grosses erreurs stratégiques, qui va supprimer des usines en France. Et donc, il va y avoir une lutte aussi pour le maintien de l'appareil de production dans ces lieux. Et ça aurait pu être intéressant, et peut-être que ça va se faire, de demander une réouverture aussi de ces sites en produisant, par exemple, des transports en commun. Je ne sais pas si c'est possible au niveau technique, mais on pourrait imaginer que plutôt que de faire encore des voitures individuelles, même électriques, parce que bon, l'électrique pose encore des problèmes écologiques, mais de faire, pourquoi pas, des bus, des choses comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à ce type d'hypothèse pour essayer de casser le fait que les gens sont enchaînés à défendre un emploi parce qu'ils n'ont pas le choix qui est inscrit dans une entreprise qui va aussi détruire l'environnement. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il faut avoir en tête que les gens peuvent apprendre et augmenter leur conscience de classe, enfin je veux dire par conscience de classe, leur conscience écologique anticapitaliste, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, ils ne peuvent l'augmenter que par l'expérience de leur lutte, par l'expérience de leur pratique sociale. Donc quand des gens se battent pour défendre leur emploi, même si c'est dans un secteur qui est polluant, a priori, il faut être avec eux, il faut les soutenir dans leur combat. Parce que s'ils sont battus, c'est pas sur base de la défaite qu'on va les faire évoluer dans le sens d'une conscience éco-socialiste et anticapitaliste. Certainement pas. S'ils sont battus, ils iront plutôt, malheureusement, chercher du côté des solutions, pseudo-solutions populistes, complotistes, d'extrême droite, chasser les migrants pour nous donner du job, des jobs à nous, etc. Donc, a priori, il faut être avec les gens qui se battent. Mais en même temps, il faut essayer de profiter du fait qu'ils se battent pour augmenter leur niveau de conscience critique de ce qu'ils sont en train de produire et des conséquences de la production qu'ils réalisent. Et là, on retombe sur le problème, c'est que cette difficulté-là, on ne peut pas les résoudre entreprise par entreprise. Hein. En fait, je connais un cas dans l'histoire sociale, il y en a peut-être d'autres, mais j'en connais un dans mon pays où des travailleurs en 1975 dans le secteur du verre ont réussi une entreprise qui était menacée de fermeture, ont réussi à imposer leur reconversion dans une entreprise publique d'isolation, rénovation des bâtiments à motivation écologique. C'est un exemple, à mon avis, il est unique. L'entreprise, elle a été fondée officiellement, elle a eu 2 ans d'existence et puis les pouvoirs publics l'ont torpillée et l'affaire est réglée. Mais donc, ce sont des cas exceptionnels. Mais d'une manière générale, je pense que l'imposition d'une politique de reconversion des secteurs à production inutile ou nuisible, la reconversion de l'emploi, la reconversion des travailleurs et des travailleuses, n'est possible que par des décisions politiques, donc en construisant un rapport de force politique. Alors voilà, maintenant, je dirais dans certains de ces secteurs, la situation, la crise du Covid pourrait nous aider un petit peu. Je prends par exemple, on ne sort pas du domaine de la mobilité, la question des transports aériens. Bon, les transports aériens, c'est le secteur dans lequel l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est la plus rapide au niveau mondial. Donc c'est un très très gros problème. Il y a eu plus de 4 milliards de passagers sur des avions en 2019. Le chiffre double tous les 12 ou 15 ans. Donc c'est absolument insoutenable. Aujourd'hui, tous ces avions sont au sol, pratiquement tous. Et toutes les compagnies aériennes licencient du personnel, veulent réduire les salaires, augmenter la flexibilité et mendient, enfin font le chantage à l'emploi pour obtenir des subsides des pouvoirs publics. Et en même temps, elles essayent de construire une propagande autour de l'idée que les conditions sanitaires pour reprendre les vols sont remplies, que les voyageurs peuvent venir sans danger à l'aéroport, qu'ils seront transportés sans danger, etc. La seule condition, c'est de porter un masque. Selon moi, ça ne tient pas debout. Selon moi, ça ne tient pas debout. S'il suffisait de porter un masque pour pouvoir mettre 200 personnes ou 350 personnes dans un avion pendant des heures, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas aussi aller au cinéma, par exemple. Je ne sais pas où ça en est en France, mais en Belgique, on ne peut toujours pas aller au cinéma, même pas avec un masque. Donc, ça ne tient pas debout. Alors, évidemment, les voyageurs, ils voyagent à leur risque et péril, mais le personnel, lui, il est obligé de voyager. Et donc ici, la question du fameux droit de retrait, qui est connu en France, il y a pas mal de jurisprudence, le droit de retrait des travailleurs, le refus de travailler dans des conditions qui exposent leur santé, qui les exposent à un danger, cette question du droit de retrait devient tout à fait cruciale. En Belgique, on a eu une grève, un mouvement de retrait collectif des chauffeurs de bus de la société de transports intercommunaux bruxellois à la fin du confinement. Pendant près d'une semaine, les chauffeurs ont refusé de prendre le travail en disant « bon, voilà, les conditions de santé, de sécurité pour nous et donc pour les usagers ne sont pas respectées, ne sont pas réunies ». On pourrait avoir quelque chose du même genre dans le transport aérien, on pourrait avoir un mouvement des travailleurs et des travailleuses du personnel de cabine, c'est-à-dire surtout des femmes. Voilà, on a la dimension féministe en plus, féministe et écologique et sociale qui se réunissent, qui diraient non, nous on refuse de travailler dans ces conditions-là. On n'est pas de la chair à profit ou de la chair à patron. Et voilà, je crois que on doit se préparer à des situations comme ça où par des biais imprévus, l'aspect politique de la question écologique vient à l'avant-plan et dans lesquelles les questions de reconversion de l'emploi des travailleurs et des travailleuses deviennent des questions incontournables. Je crois que c'est à ça qu'il faut essayer de travailler. Parce qu'effectivement, du boulot, il y en a. Hein, si on veut soigner la planète et soigner les gens qui y habitent, c'est-à-dire si on veut privilégier le prendre soin, ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale en termes marxistes, si on veut privilégier ça sur la sphère capitaliste de la production, il y a énormément d'emplois pour tout le monde. Ça n'empêche qu'il faudra réduire radicalement le temps de travail, mais enfin, on peut financer ça également. Donc voilà, je crois que oui, c'est un très très bon exemple, la question de l'automobile. Mais la question est ultra compliquée, mais on ne peut gagner que si on politise les combats. Je vais revenir un peu sur ton dernier livre, donc Trop tard pour être pessimiste. Il y a un sous-titre, Écosocialisme ou effondrement. Alors c'est vrai que ça nous avait un peu surpris parce qu'on était habitué à ta critique aussi de la collapsologie. Enfin, tu avais fait plusieurs articles, notamment je crois sur la revue Contretemps. Ça avait été publié une critique de la collapsologie, donc qui est très populaire, notamment en France. Et qui nous est vendu comme étant une sorte de théorie écologiste radicale. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce mouvement et de ce que tu en penses? Mais depuis le début, effectivement, j'ai écrit au moins trois articles assez polémiques, et le dernier était très polémique, en effet, par rapport au collapsologue. Mais dès le début, j'ai dit une chose par rapport à laquelle je n'ai pas bougé, c'est-à-dire que le désaccord avec ceux qui se disent collapsologues ne porte pas sur le fait que la société actuelle est en train de foncer droit dans le mur. C'est pas là-dessus que porte le désaccord. Sur le danger, sur le fait que nous sommes déjà dans la catastrophe et que la catastrophe risque de se transformer en cataclysme, il y a pratiquement pas de désaccord. Je dirais que parfois, il force un peu le trait du catastrophisme ou du cataclysmisme, mais peu importe, ça c'est un détail. Le débat ne porte pas là-dessus. Le débat porte sur véritablement la réponse stratégique à opposer face à cette situation angoissante. Et en particulier, le désaccord, là il y a un véritable désaccord, porte sur cette attitude fataliste qui consiste à dire l'effondrement, qui par ailleurs n'est pas très défini, hein, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va s'effondrer, la société thermo-industrielle, c'est quoi, hein. Mais donc, l'effondrement est inévitable, la réduction d'un tiers de la population mondiale est inévitable, ça c'est Yves Cochet qui est le plus néo-malthusien de ce groupe le dit franchement, il n'y a rien à faire pour l'éviter, même la décroissance est une illusion, la seule solution c'est fonder des petites communautés résilientes pour préparer l'après avec les rescapés heureux du déluge ou du cataclysme. Avec cette perspective-là, moi je suis en total désaccord, je dis ce n'est pas vrai. Il faut se battre collectivement pour empêcher l'aggravation de la catastrophe et pour empêcher la transformation de la catastrophe en cataclysme. Et se battre collectivement, ça veut dire prendre une orientation radicalement anticapitaliste qu'on peut résumer dans l'idée qu'il faut produire moins, transporter moins et partager davantage pour établir la justice sociale sur cette planète. C'est là-dessus que porte le désaccord, ou le désaccord principal, disons. Hein. Alors, je ne sais pas où vont. Moi, je connais un peu Pablo Servigne, parce qu'il a vécu en Belgique pendant des années. On l'a connu dans les milieux libertaires en Wallonie, à Liège. C'est un gars de gauche. Lui, personnellement, je n'ai pas de doute qu'il soit plutôt à gauche. Mais il y a un mélange de courants assez confus dans cette mouvance de la collapsologie. Il y a des gens qui, comme Pablo, je crois, comme Pablo Servigne, enfin je pense, hein, c'est mon opinion sur ce qu'il pense, ce n'est peut-être pas ce qu'il pense, je crois que lui il s'imagine que le capitalisme va s'effondrer et que cet effondrement va laisser la place à une société organisée sur base des communautés locales, autogestionnaires ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est un projet, c'est une vision que je ne partage absolument pas. Je ne crois pas que le capitalisme va s'effondrer. Je crois que le capitalisme va nous effondrer si on le laisse faire. Ce n'est pas la même chose. Et que nous devons le liquider, sinon le capitalisme va nous entraîner vers la catastrophe. Il nous entraîne vers la catastrophe. Mais donc, ça c'est le courant, je dirais, un courant un peu libertaire des collapsologues, avec lequel je trouve qu'il est tout à fait utile et nécessaire de débattre stratégie. Hein. Alors, il y a d'autres courants qui sont des courants plus, je dirais, plus métaphysiques, hein, qui se réclament de Joanna Macy et de son éco-psychologie. La solution est en nous, la vérité est en nous, il faut suivre le Dalai Lama, enfin bon, des choses comme ça. Non, mais ce n'est pas une blague. Hein, Joanna Macy, elle est bouddhiste, une américaine bouddhiste, une dame très respectable par ailleurs, mais qui a une solution de type psychologisant. Hein, pour elle, son approche, c'est une approche plutôt psychologisante. Puis il y a des gens comme Cochet, ben j'appelle ça c'est une espèce de gentleman farmer de la collapsologie. Là, hein. Il s'est acheté sa ferme en Normandie de combien? 8 hectares, si je me souviens bien. Et il dit que lui, il est prêt pour l'effondrement. Et alors, quand on l'interroge, quand un journaliste lui pose la question, est-ce qu'il accueillera d'autres sur son petit havre de paix? Il répond qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bon, moi, je trouve ça tout de même un peu saumâtre comme allusion, quoi. Hein, à une époque où les migrants sont rejetés à la mer, noyés, parqués, reprendre la formule de Fabius, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc moi, je n'accueillerai pas toute la misère du monde sur mes 8 hectares. Bon, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Au mieux, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Hein. Et là, on peut voir aussi des tendances qui peuvent aller vers ce qu'on peut appeler de l'écofascisme aussi. Exactement. Et ça, c'est sur la petite communauté, derrière les frontières nationales, avec l'exclusion des victimes justement de cette crise écologique que sont les migrants climatiques, oui. qui partageraient le sort déjà des autres migrants. Alors, je ne dirais pas que les collapsologues vont jusque-là, mais effectivement, il y a une quatrième, je dirais, tendance, mais ce n'est pas si simple parce qu'il ne s'agit pas de courants juxtaposés, tout ça se superpose en partie. Mais il y a une quatrième dimension, si on peut dire, qui est une dimension, je trouve, très... Enfin, qui, moi, m'inspire beaucoup de méfiance, qui fait appel aux théories des archétypes de Jung, aux théories de la religion de Mircea Eliade, en ignorant, je crois que les auteurs, Pablo et les autres, ignoraient ça, mais ce sont des auteurs fascistes. Et donc, la théorie des archétypes de Jung est une théorie qui considère que il faut revenir à l'homme, l'homme primitif, à l'être humain primitif dans toute sa sauvagerie et toute son authenticité. C'est à la fois un truc profondément dénigrant pour l'homme dit primitif qui n'était pas moins intelligent que nous, qui était peut-être même plus intelligent que nous, et en même temps c'est un machin qui est réactionnaire, potentiellement réactionnaire. Donc, c'est à propos de ce courant, de cette dimension-là que j'ai écrit le troisième article, la plongée dans la régression archaïque, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui est inquiétant, qui est potentiellement dangereux et qui pourrait, indépendamment, j'insiste, hein, indépendamment de la volonté des collapsologues, qui pourrait faire apporter du grain à moudre de l'extrême droite. Alors, il y a aussi la popularité des thèses de Jared Diamond, et de son livre Collapse en France, on a vu que apparemment le Premier ministre trouvait ces théories tout à fait pertinentes pour comprendre la crise écologiste. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et après aussi une autre question sur, encore une fois, la solution de la décroissance, puisqu'il y a encore des gens qui pensent que la décroissance serait la solution donc, à la crise écologique. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, d'abord, Diamond. Là, je veux dire, il y a vraiment un phénomène franco-français qui échappe à mon entendement. Les thèses de Diamond dans Collapse ont été démontées, redémontées, détruites. Il n'en reste pas pierre sur pierre par des scientifiques, des ethnologues, des archéologues, des historiens, spécialistes des différentes sociétés dont Diamond prétendait avoir étudié l'effondrement dans son best-seller, hein, Collapse. Il ne reste rien de tout ça. Tout est faux. Et en particulier, l'exemple archétypique, pour parler comme Jung, hein, l'exemple archétypique de l'île de Pâques, les théories de Diamond sur la cause de l'effondrement de la société de Rapa Nui, ben, tout le monde sait, tous les anthropologues admettent aujourd'hui que c'est du pipeau complet. Donc l'idée que on aurait les colons, les premiers Polynésiens qui sont arrivés sur l'île, auraient détruit l'écosystème de l'île, qu'ils auraient été coupables d'un écocide par folie des grandeurs, parce que des tyrans qui les dominaient voulaient absolument construire des grandes statues et que pour transporter les grandes statues, il fallait toujours plus de rondins pour faire rouler les pierres, etc. Et que donc, comme ça, on a détruit la forêt, que la destruction de la forêt a entraîné l'érosion du terrain, que cette érosion du terrain a provoqué une baisse dramatique de la production agricole et que la baisse dramatique de la production agricole a provoqué l'effondrement de la population qui de 30 000 serait passé à 3 000. Donc, tout ça, c'est du pipeau complet. Le plus extraordinaire, je trouve, dans cette histoire, c'est que l'erreur a été prouvée par deux archéologues américains de l'université d'Hawaï, spécialistes des sociétés polynésiennes, et qui, en lisant les thèses de Diamond, se sont dit, ben, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça que ça s'est passé. Seulement, ce n'est qu'une hypothèse, ont-ils dit, donc il faut la vérifier. Et ils ont obtenu des crédits de recherche pour faire une campagne de fouilles de plusieurs années, 3 ou 4 ans, je crois, sur Pâques, et ils sont arrivés à la conclusion que tout était faux. Que tout était faux. Et que la forêt n'a pas été détruite par les Polynésiens, mais a été détruite par des rats que les Polynésiens, malheureusement, transportaient sur leur pirogue, leur grande pirogue, pour avoir une réserve de protéines, parce qu'ils bouffaient ces rats, et que ces rats ont proliféré sur ce petit écosystème insulaire, en bouffant de préférence les fruits des grands palmiers qui composait cette forêt. Et comme les grands palmiers ne sont fertiles qu'après 60 ans, mais que les rats se reproduisent très très rapidement, l'explication tient la route et elle est confirmée par le cas d'autres îles polynésiennes où ces variétés de grands palmiers ont été décimées par des importations de rats, y compris des cas qui ont eu lieu au XXe siècle et qui ont été vérifiés, observés en direct par des biologistes. Et en fait, enfin bon, toute cette histoire est rocambolesque parce que ces deux archéologues, là, ils s'appellent Terry Hunt et Carl Lippo, enfin, je ne suis pas sûr du prénom du second, mais enfin c'est Lippo, ils ont écrit un bouquin absolument magnifique dont le titre est « The Statues That Walked », les statues qui marchaient, et donc le déplacement des statues ne se faisait pas avec des rondins. Les Polynésiens déplaçaient les statues comme vous déménagez un frigo qui est trop lourd pour le porter, en le balançant comme ça. Donc, ils avaient des cordes pour balancer ces statues et les faire s'avancer. Et ils ont reconstitué le déplacement. Enfin, bref, tout le truc est complètement faux. Et il n'y a véritablement, je pense, qu'en France que des intellectuels continuent à véhiculer cette vision, cette métaphore terrible de la chute de l'île de Pâques et la comparaison avec la manière dont nous sommes en train de détruire la planète aujourd'hui. Mais donc c'est une comparaison qui est idéologiquement vénéneuse parce que elle implique, c'est là le problème, elle implique que la cause de la destruction actuelle de l'écologie, ce n'est pas le mode de production capitaliste, ce n'est pas la course au profit, non, c'est la nature perverse de l'être humain qui se reproduit toujours plus et qui… voilà, et donc on tombe très vite sur des thèses néo-malthusiennes comme quoi nous sommes trop nombreux et on rejoint quelque part, c'est là le danger avec Cochet, hein, un tiers de la population mondiale qui va disparaître inévitablement dans la décennie 2030-2040. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur Diamond, mais je trouve ça hallucinant que comme tu l'as dit, le Premier ministre français, là, Philippe et Hulot, avant qu'ils ne démissionnent comme ministre de l'écologie, ont fait ensemble une présentation vidéo chantant les louanges de Jared Diamond. Enfin, Sarkozy, déjà avant, chantait les louanges de Jared Diamond. Je crois que ce n'est pas par hasard que tous ces gens de droite se reconnaissent dans cette vision du monde qui est celle de Jared Diamond. Et je termine là-dessus en disant, là, il y a un problème avec les collapsologues. Et je l'ai dit, moi, personnellement, à Pablo Servigne, je dis, mais vous piquez de scientificité, vous appuyez sur de multiples sources scientifiques. Comment se fait-il que vous ne rectifiez pas l'erreur scientifique qui a été commise, ou les erreurs scientifiques qui ont été commises par Diamond? Comment se fait-il que nulle part vous ne prenez vos distances par rapport à cette thèse? Et ils ne les prennent pas. J'ai encore entendu récemment une interview de Pablo sur je ne sais plus quelle chaîne radio française où il parlait de Jared Diamond, de la théorie de l'effondrement, comme si tout ça était parfaitement établi. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Là, il y a quelque chose qui cloche dans leur prétention à parler au nom d'une science, d'une collapsologie. Hein, s'ils ont une attitude scientifique, ils doivent au contraire admettre que ces théories de Diamond sont du pipeau. Bien, alors en ce qui concerne la décroissance, moi je partage, il y a un élément de tout à fait fondé dans ce que disent les décroissants, c'est qu'il faut produire moins et transporter moins. Ça, c'est absolument indiscutable. Seulement, c'est là que commence le débat, et j'ai consacré une partie du bouquin à ça. La croissance n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qui explique la tendance à la croissance continue dans le système capitaliste. Et ce qui l'explique, c'est la concurrence pour le profit qui amène à l'accumulation du capital. C'est ça le problème. Et je constate avec plaisir qu'au sein du courant qu'on appelle les Ecological Economics, économiste de l'écologie, il y a aujourd'hui des auteurs qui commencent à soulever cette problématique-là et qui posent la question, j'en ai cité deux chercheuses dans mon bouquin, qui posent la question, qu'est-ce qui s'accumule quand le capital s'accumule? C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui s'accumule quand le capital s'accumule, c'est l'exploitation du travail qui implique, puisqu'il faut exploiter toujours plus le travail, il faut toujours plus de ressources naturelles pour donner des inputs matériels à l'exploitation du travail. Donc, exploitation du travail, exploitation des ressources naturelles sont deux mécanismes qui sont intimement liés. Donc, il faut aller au-delà de la dénonciation de la croissance. D'abord, il y a des choses qui ne doivent pas cesser de croître. Nous ne sommes pas contre la croissance de l'éducation, nous ne sommes pas contre la croissance de la santé. Je ne parle pas de l'industrie pharmaceutique, mais de la santé pour les populations. Nous ne sommes pas contre la croissance de la culture, nous sommes, etc., etc. Donc nous sommes contre l'accumulation du capital, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi une question. Est-ce qu'on peut penser que l'écosocialisme est une société dans laquelle il y a un secteur industriel encore important? Quel peut être son rôle et tout ça, parce qu'il y a certaines personnes pour lesquelles le problème, c'est la société industrielle, en fait. C'est pas du coup le pour eux, c'est ils séparent la société industrielle du capitalisme en disant qu'elle peut exister sans capitalisme et que le problème, donc, c'est le fait que les forces productives soient trop développées et qu'elles sont forcément destructrices de l'environnement. Donc, comment penser cette question de l'industrie dans un cadre éco-socialiste? Ah. Bonne question. Je crois qu'une société écosocialiste, c'est une société dans laquelle le centre de gravité est déplacé radicalement du secteur de la production vers le secteur de la reproduction sociale. Donc ça, c'est le point de départ. Donc le centre de gravité, c'est prendre soin de l'humain et prendre soin des non-humains, et donc prendre soin des relations entre les humains et le non-humain, prendre soin de la Terre comme le bon jardinier prend soin de son jardin en permaculture, si vous voulez. Donc je crois que ça, c'est essentiel. Ceci dit, il restera toujours la nécessité de produire des choses. Donc je ne vois pas comment on peut se passer de la production, surtout pas quand on connaît quand on sait que des milliards d'êtres humains sur Terre manquent de l'essentiel, ils ne sont pas dans le superflu. Il y a donc des choses à produire, il y a des logements à produire, il y a des vêtements à produire. Donc le basculement du centre de gravité vers la reproduction sociale, c'est-à-dire vers le prendre soin d'eux, n'implique pas la disparition de la production. Alors bon, ce qui est indiscutable, c'est qu'il faut effectivement, comme je l'ai dit, produire moins. Donc il faut casser la logique capitaliste de l'accumulation, ça implique de décider ce qui est essentiel dans l'existence aujourd'hui, étant donné les limites de fonctionnement et des écosystèmes et les limites des ressources naturelles et les besoins de protection de la biodiversité. Alors, comment aller au-delà de cette formule générale ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est superflu ? Qu'est-ce qui est les vrais besoins ? Les besoins humains réels ? Qu'est-ce qui est les besoins aliénés ? Ça, c'est une vaste discussion. Prenons un exemple, la question du tourisme de masse. C'est quelque chose dont on parle trop peu, je trouve, dans les milieux écosocialistes. C'est certainement une question qu'on devrait commencer à creuser et sur laquelle on devrait commencer à élaborer des réponses. Je citais tout à l'heure le chiffre de plus de 4 milliards de voyageurs en avion en 2019. L'essentiel de ces voyageurs sont des voyageurs qui voyagent pour le loisir, n'est-ce pas ? Pour le tourisme. Je ne sais pas, j'ai peur de me tromper sur le pourcentage, mais c'est très nettement plus de 50% de ces voyageurs sont des touristes. Il est clair que c'est absolument insoutenable. Insoutenable. Non seulement du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi du point de vue de la viabilité des lieux où tous ces gens se massent. Enfin, il y a des mouvements aujourd'hui, que ce soit à Barcelone, à Venise maintenant avec l'épidémie de Covid, aux Canaries, à l'île Maurice, j'ai vu ça, il y a des mouvements, des populations locales qui disent « bon, on n'est pas xénophobe, mais ça ne va pas, il y a trop de touristes, c'est invivable ». Donc, je crois que là, il y a vraiment un… Pourquoi je cite cet exemple-là ? Parce que je trouve ça intéressant. En tant qu'éco-socialiste, en tant que marxiste, en tant que militant critique, on doit se mettre en difficulté intellectuellement. Et c'est trop confortable de dire, bon, il suffit de supprimer le capitalisme et de supprimer la concurrence et de socialiser le secteur de l'énergie, le secteur de la finance et d'avoir un service national de santé. Bref, tout ça, c'est socialisé, c'est sous gestion, autogestion populaire et les problèmes sont résolus. Non, tous les problèmes ne sont pas résolus. Il y a un certain nombre de comportements sociaux aujourd'hui qui vont devoir évoluer, qui vont devoir changer. Et l'exemple du tourisme en est la manifestation. Je pense que il en est un peu de même. Je pense qu'il y a dans une certaine mesure une similitude entre l'assuétude au tourisme et l'assuétude consumériste. Ça fait partie d'un même phénomène, un phénomène de compensation pour le caractère misérable de l'existence dans la société capitaliste. Donc la pauvreté des relations humaines, et donc on cherche des compensations en s'achetant des fringues ou en s'achetant des gadgets électroniques, et on cherche la compensation où on cherche à échapper à cette ambiance mortifère et déshumanisante de la consommation capitaliste en faisant des voyages et en allant visiter des pays lointains. Alors moi, je ne suis pas contre le fait de visiter les pays lointains. Enfin, je veux dire, la planète est magnifique et c'est dommage si on habite dans un pays froid et humide comme la Belgique, si on ne peut pas voir la Méditerranée et si on ne peut pas voir l'océan Indien. Donc, c'est des merveilles auxquelles tout le monde doit pouvoir avoir accès. Mais comment, enfin, j'ai pas de réponse, mais j'aime bien justement soulever cette question justement parce que j'ai pas de réponse et parce qu'elle nous met en difficulté. Donc, je ne crois pas en tout cas, j'ai une certitude, on peut pas résoudre ce genre de difficulté par le biais de mécanismes de marché. Par exemple, si on augmente les prix des voyages, des transports aériens, ben, on mène une politique de discrimination sociale vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens. Ok, donc on peut dire on multiplie le prix des billets d'avion par 10 ou par 20, ben, les riches vont continuer à voyager. Ok, je ne suis pas pour ça, mais on pourrait imaginer des solutions de rationnement, par exemple. Pourquoi pas? pourquoi ne pas dire que chaque être humain a droit à un certain nombre de kilomètres de vol en avion sur sa vie. Alors on pourrait moduler ça en fonction, par exemple, de l'existence des diasporas, hein, parce qu'il y a des gens qui ont plus de raisons parfaitement fondées de voyager que d'autres. Moi, toute ma famille, elle est dans le petit territoire belgique, mais il y a des gens dont la famille est dispersée aux quatre coins du monde. Donc, voilà. Donc, oui, je vais en rester là, dans mes divagations sur le sujet. Mais j'aime bien les questions qui dérangent. Et ça, je trouve une question vraiment dérangeante. Il y a des choses qui vont devoir bouger et qui ne vont pas bouger simplement d'un coup de baguette magique parce qu'on en finit avec le capital et la concurrence et pour le profit. D'accord. Ça, c'est vrai que ça, c'est il y a la question des voyages au niveau du mode de vie. C'est vrai qu'on aurait pu aussi parler de la consommation de viande aussi, puisque c'est aussi un peu dans la même perspective dont tu parlais, c'est-à-dire qu'il faudra aussi que les gens consomment moins. On n'a pas trop le choix. Donc là, on a une dernière question. Enfin, je trouve la question de la viande un peu plus facile. Oui. Enfin, je sais que je m'engage sur un terrain très miné. Mais je pense que sur la question de la viande, de la consommation de produits animaux, hein, comme on dit, comme disent les plus ultras, pour ma part, le combat, on peut le voir en deux étapes. Il y a une première étape immédiate aujourd'hui qui est d'en finir avec l'industrie de la viande. Ce que certains appellent de l'élevage industriel, mais pour ma part, ce n'est pas de l'élevage, c'est de l'industrie de la viande. Celle-là, elle est clairement insoutenable. Elle est insoutenable biologiquement, elle est insoutenable économiquement et elle est insoutenable éthiquement. Il faut en finir avec ça. Donc, il faut revenir à un véritable élevage au niveau des territoires, en prairie, qui implique une vie plus longue pour les animaux. La famille de ma compagne en Normandie, c'était des bouchers éleveurs. J'ai connu encore une de ces personnes qui disait qu'on ne consommait, on n'abattait jamais un bœuf avant qu'il ait passé ses 3 ans. Aujourd'hui, en quelques mois, les bestiaux passent à la boucherie, à l'abattoir. Donc là, je crois qu'il y a une étape sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Indépendamment de la question morale, de savoir s'il est moral, justifiable de tuer ou non des animaux pour les consommer, il faut en finir avec l'industrie de la viande, et donc pour ça, il faut consommer radicalement moins de viande. Ok. Et là, il y a une première étape. Et une fois que cette étape structurelle est franchie, alors un débat de société ou un débat éthique s'engage sur la question de savoir s'il est justifiable de manger des protéines, de consommer des protéines animales, sous quelque forme que ce soit. Mais ça, à supposer que la réponse soit non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, hein, et ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut, une question sur laquelle on peut gagner une bataille politique, c'est une véritable évolution culturelle qui demande un temps long, une bataille d'idées, l'emporter des convictions, changer l'éthique des personnes. On sait que les Britanniques ne mangent jamais de chevaux, moi non plus, ce serait impossible, ils ne pourraient pas manger du chien, etc. Donc, pourquoi ? Pour des raisons culturelles. Et les raisons culturelles, il faut les changer sur le temps long. Alors, on arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question, néanmoins. Donc, c'est sur le rapport entre le marxisme et l'écologie. C'est-à-dire que toi, tu te définis comme marxiste. Donc, en quoi les textes de Marx et d'Engels te fournissent des éléments d'analyse qui te permettent de forger une vision du monde écologiste. Je crois qu'il y a deux choses, il y a deux aspects dans la discussion. Il y a des débats intellectuels d'une très grande richesse et d'un très grand intérêt sur la question de savoir si Marx était productiviste, si c'était un éco-socialiste avant la lettre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, etc. Je ne méprise pas du tout ces débats. Je les apprécie beaucoup et j'y participe avec énormément d'intérêt. Mais je dirais, à la limite, peu importe. À la limite, peu importe si Marx était un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout écologiste. Hein. Je pense qu'il l'était beaucoup plus que ce qu'on dit, avec des contradictions et avec une évolution. Mais encore une fois, peu importe. Parce que l'essentiel pour moi, c'est que la compréhension, la critique, l'analyse que Marx a produite du système capitaliste, celle-là, elle est absolument indispensable pour développer une politique, une réponse aux défis écologiques d'aujourd'hui. Absolument indispensable. Si on ne comprend pas ce que Marx a élucidé, c'est-à-dire le fétichisme de la marchandise, le ressort congénital du système qui fait qu'il est productiviste et donc consumériste et donc destructeur de l'environnement. Si on ne comprend pas cette analyse, cette critique, ce démontage de la logique du capital, on est incapable de présenter une alternative au capitalisme vert qui nous mène dans le mur en même temps que le capitalisme d'autres couleurs. Ça, c'est, je dirais, c'est ça le grand acquis. Hein. Pour le reste, il y a des débats intellectuels très intéressants sur le Marx jeune, sur le Marx de la maturité, sur le Marx vers la fin de sa vie, sur le oui ou non était-il fasciné par le fantastique développement des techniques et de la productivité rendue possible par le capitalisme, oui ou non était-il critique par rapport à tout ça. Tout ça sont des débats, je le répète, sont des débats passionnants, et j'ai une opinion là-dessus, mais l'essentiel, c'est la critique radical et l'analyse du système capitaliste et de sa logique. Et de ça, aucun écologiste digne de ce nom ne devrait pouvoir se passer. Si on ne comprend pas la dynamique d'accumulation du capital, on est incapable d'élaborer une alternative à la politique productiviste, à la réalité productiviste et destructiviste de la société actuelle. Ok, alors là, on a des questions de nos auditeurs, donc je vais t'en lire quelques-unes. Alors, j'ai une question de Marc. Que pensez-vous du capitalocène, du concept du capitalocène? Est-ce que c'est un effet de mode chez les intellectuels gauchistes ou ce concept a-t-il un intérêt pour analyser la crise économique? Écologique, pardon. Oui, c'est encore une discussion intéressante. Je comprends les gens, enfin bon, d'où vient toute cette discussion? Elle vient du fait que Crutzen, prix Nobel de chimie, il y a quelques années, a proposé, a fait un constat qui est qu'un certain nombre de changements qui se sont produits dans l'histoire récente sont des changements qui resteront marqués dans la géologie du globe pour les siècles des siècles, comme on dit dans la Bible. Hein, donc la hausse du niveau des océans, la présence de nucléides radioactifs, la présence d'un certain nombre de molécules chimiques de synthèse qui ne sont pas destructibles par le monde vivant, etc. Donc ce sont des choses qui vont rester visibles dans la géologie du globe. Sur base de ça, il a dit « nous changeons d'ère géologique ». Et il a proposé d'appeler la nouvelle ère, donc on sort de l'Holocène, et il a proposé d'appeler la nouvelle ère géologique l'Anthropocène, parce que ces changements sont dus à l'activité humaine. Alors, une série de gens ont dit, oui, mais non, Anthropocène, ça veut dire que c'est l'espèce humaine, Anthropos, l'homme générique, qui est responsable de la destruction de l'écologie de la planète. Or, c'est pas l'être humain en tant que tel, c'est le capitalisme. Bon, et donc, ils ont proposé de parler plutôt du capitalocène. Alors, franchement, moi, je trouve que cette discussion sémantique n'a pas beaucoup d'intérêt. Je m'excuse de me le dire aussi franchement, mais c'est vraiment mon opinion. Premièrement, j'admets que le terme anthropocène éveille la suspicion que l'intention de Crutzen qui a proposé ce vocable, disons, n'était pas idéologiquement neutre. Hein, il y a même là-dedans, effectivement, ça pointe l'espèce humaine, le Homo sapiens, comme ça suggère que c'est Homo sapiens qui est responsable des destructions écologiques. Donc, il y a quelque chose de suspect, je l'admets. Mais enfin, première remarque, on ne décide pas du changement d'aire géologique à chaud. On ne constate pas, tiens, je suis en train de changer d'aire géologique, ça n'a pas de sens. Le changement d'aire géologique, c'est quelque chose qu'on constate post-factum et longtemps après les faits. Alors, on peut supputer que sur base d'un certain nombre d'éléments matériels, ceux que j'ai indiqués, nous serions peut-être en train de changer d'aire géologique. Mais enfin, c'est aux géologues des temps prochains, des temps futurs, qu'il reviendra de le déterminer et pas à nous. Et je m'étonne que ce fait-là ne soit pas davantage présent dans le débat. Maintenant, si on dit capital océan, ça a évidemment l'avantage de pointer la responsabilité majeure du mode de production capitaliste dans les destructions environnementales. Mais dans la phrase que je viens de dire, l'adjectif majeur a beaucoup d'importance quand même, parce qu'il n'y a pas que le capitalisme qui a provoqué des destructions environnementales. Le bilan de l'Union soviétique et des autres pays dits socialistes est tout de même relativement terrible. À cet égard-là, tout le monde connaît l'histoire de la mer d'Aral et de son assèchement, tout le monde connaît l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl, le nucléaire socialiste, beaucoup de gens savent que avant la chute du mur, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie étaient les deux pays qui émettaient le plus de CO2 par habitant, beaucoup plus que les États-Unis ou que la Chine aujourd'hui, et moins connu, la Chine de Mao a lancé cette fameuse campagne pour la destruction des moineaux, une aberration écologique de grand format. Donc, ok, le capitalisme est la cause principale, mais ce n'est pas la cause unique. Hein. Et au moment où les gens de gauche s'interrogent sur la manière dont ils peuvent s'emparer de la question écologique pour la faire converger avec la lutte sociale, il est peut-être malvenu de prendre un terme comme capitalocène qui évacue du bilan la partie du bilan attribuable aux pays dits socialistes. Voilà, donc moi je trouve la querelle sémantique, je trouve peu intéressante. Je trouve plus intéressante en fait l'approche qu'avaient Fressoz et Bonneuil dans leur bouquin sur l'événement anthropocène, là, quand ils concluent que ce qu'il faut faire, c'est interpeller les scientifiques ou la communauté scientifique sur les causes sociales historiques qui nous ont amenés dans cette situation où effectivement la géologie du globe est en train d'être bouleversée par un certain type d'activité humaine. Je trouve cette démarche-là plus riche que de se battre pour capitalocène ou anthropocène ou alors d'inventer d'autres vocables. Hein. On a proposé récemment de parler du plantationocène ou du plantatiocène parce que la destruction elle remonterait avant les capitalismes, mais au moment de la conquête coloniale, de la destruction des sociétés des autres parties du monde et de leurs écosystèmes et de la création des grandes plantations de canne à sucre, de café, de thé, etc. Et voilà, je trouve cette discussion est un peu oiseuse. D'accord. Alors là, j'ai une question de Flo sur de quel œil voyez-vous le succès des partis dits écologistes aux dernières municipales ? Je pense que, d'abord, ce n'est pas un phénomène typiquement français. Hein. Les partis verts, en général, en Europe, ont connu une grande poussée dans tous les derniers scrutins. Hein. C'est une tendance généralisée et je crois qu'elle traduit quelque chose de fondamentalement positif en termes de sensibilité de l'opinion publique large à la question de la destruction environnementale. Maintenant, la ligne politique et le programme politique des partis verts, à mon avis, est une impasse. Ce qu'ils défendent, c'est une orientation de type capitalisme vert. Hein, il ne s'en cache même pas. Enfin, comme Bendit, même l'inventeur du concept du capitalisme vert, si je ne me trompe, dans un éditorial célèbre, il y a une quinzaine ou il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, ça, je crois que c'est une voie totalement sans issue pour les raisons que j'ai expliquées déjà dans l'impossible capitalisme vert et que sur lesquelles je reviens dans mon nouvel ouvrage, là, trop tard pour être pessimiste. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la discussion avec l'écologie politique, comme on dit. Donc voilà, je trouve plus intéressant, en fait, en termes d'évolution politique, je trouve beaucoup plus intéressant ce qui se passe aux États-Unis avec l'émergence de la proposition du Green New Deal portée par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Pourquoi je trouve ça beaucoup plus intéressant? Parce que c'est une proposition qui n'est pas une proposition de capitalisme vert. Elle n'est pas totalement satisfaisante non plus de mon point de vue. Vous allez me dire que je suis très, très difficile ou que je pinaille beaucoup, mais elle présente deux grands avantages. Le premier avantage, c'est qu'il s'agit d'un plan avec des échéances, avec des engagements. Donc, il y a une dimension de planification. Et ça, c'est très, très important parce que j'ai la conviction profonde qu'on ne sortira pas de la crise écologique sans des éléments de planification. Hein, c'est un débat aussi avec les amis libertaires. Et deuxièmement, le deuxième axe important de cette approche du Green New Deal, c'est que c'est un plan qui ambitionne de résoudre à la fois la crise écologique et la crise sociale. Et là, en tant qu'écosocialiste, je dis qu'il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, pourquoi je trouve le plan critiquable? Parce qu'il ne rompt pas clairement, et je dirais même pas du tout, avec la dynamique de l'accumulation capitaliste. Donc, c'est un plan qui veut combiner le social et l'écologique pour résoudre la crise écologique et la crise sociale, mais sans remettre en question l'accumulation. Et là, je crois que ça ne marche pas non plus. Mais c'est toujours mieux que les illusions du capitalisme vert selon lesquelles on pourrait résoudre la crise écologique et la crise sociale simplement par des mécanismes de marché, des primes, des incitants, des taxes ou que sais-je encore. Là, au moins, il y a un effort de plan et de régulation. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai une dernière question, mais je pense que on en a déjà pas mal parlé. C'est est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tard? Comme le dit le titre de mon bouquin, il est trop tard pour être pessimiste. Je veux dire, quand on est le pessimisme, c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. Donc, est-ce qu'il est trop tard? Je dirais, il n'est jamais trop tard. Ça dépend trop tard par rapport à quoi. Je répète, on est déjà dans la catastrophe. Elle grandit autour de nous. Elle devient de plus en plus menaçante et de plus en plus inquiétante. Et il faut se battre. Il faut se battre. Il n'y a rien d'autre à faire que de lutter dans une perspective anticapitaliste pour arrêter cette machine infernale du productivisme, du consumérisme et de la destruction de l'environnement avec comme moteur la concurrence pour le profit et les inégalités sociales. Il faut se battre. Et à chaque étape, la lutte fera la différence. La lutte fait toujours la différence. Même dans la catastrophe, la lutte fait la différence. La lutte solidaire, la lutte collective, la lutte généreuse, la lutte véritablement humaine et humaniste fait la différence à chaque étape, même dans les pires conditions. Donc, de ce point de vue-là, il n'est jamais trop tard. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles il est effectivement trop tard. Hein. Toutes les espèces disparues, on a très peu parlé de biodiversité ce soir dans l'entretien, malheureusement, mais tout ce massacre d'espèces et de richesses biologiques extraordinaires, ben ça, c'est irrécupérable. Hein. Les gens qui croient qu'on peut recréer des espèces simplement à partir de leur ADN, c'est du pipeau, ça ne marchera pas, c'est pas aussi simple que ça. Les espèces sont beaucoup plus que des codes génétiques. Y a tous des phénomènes épigénétiques et qu'on ne peut pas reproduire aussi facilement que ça, je pense. Donc là, oui, il est trop tard. Il est trop tard pour éviter une hausse du niveau des océans qui dans les 10 ou 20 ans qui viennent, risque d'atteindre 50 centimètres. Il est trop tard pour ça. Donc, y compris des îles magnifiques de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, qui vont disparaître. Il est sans doute trop tard pour sauver ces merveilles de la nature sur lesquelles des gens vivent et des animaux vivent et des plantes poussent. Donc pour tout ça, il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour inverser le cours des choses. Il est temps, il est grand temps de le faire. Il est plus que temps de le faire et de nous y mettre. Et ben, on te rejoint tout à fait sur ce constat et c'est ce qu'on essaye de faire un peu modestement. Donc, merci beaucoup à toi, Daniel Tanuro. Peut-être on peut rappeler le titre de ton livre, donc Trop tard pour être pessimisme, écosocialisme ou effondrement. Donc, je crois, je m'en souviens plus de l'éditeur en Belgique et je crois au Québec, tu as un autre éditeur aussi. Non, c'est un éditeur français, c'est Textuel. Ah, d'accord, Textuel. Donc, Textuel en France. Il y a un autre éditeur au Québec, oui, qui est M Édition. D'accord, ok. Et ben voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup pour la qualité de cet entretien. Le bouquin sera en librairie le 10 juin. D'accord, le 10 juin. Voilà. C'était la fin de la séquence publicitaire. Voilà. Et ben voilà, ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao.